Amis aventuriers, bonjour à toutes et bonjour à tous. Tous. On se retrouve aujourd'hui pour le 14e épisode de Crolanta. Votre podcast hebdomadaire, bon là c'est un petit peu raté, mais qui voilà. Parle de Koh-Lanta, évidemment. On va traiter aujourd'hui de la finale de la 21e édition du jeu de TF1 avec Denis Brogniart, évidemment. Mais ce soir, pas de Denis Brogniart, non. Mais j'allais dire mieux, mais on peut pas être mieux que Denis Brogniart. Mais non. Je suis malgré tout en compagnie de Lucas et de Louis. Comment allez-vous, messieurs? Ça va très bien, ça va super. Ça roule, ça roule. Les fêtes ont été appréciables? Ah, c'était il y a longtemps déjà. Malgré le fait qu'il fallait se remettre de cette finale, voilà. Il faut le c'est dire, vrai. C'est pour ça qu'on enregistre aussi tard. C'est pour parce passer que, à l'année 2018 et très bientôt triste. Une nouvelle saison déjà. En tout cas, de nouvelles émissions. J'espère qu'on fera des spin-offs sur ce magnifique programme entre Kenji Girac et Maître Gims. Ah, oui. T'as regardé? J'ai pas regardé. Ah, c'est dans deux mois, je crois que ça avait commencé ce week-end. Non, je confonds avec le truc où Corentin et il y a Corentin, l'ancien de la saison précédente, enfin pas la saison là, mais la saison d'avant, qui est sur un truc sur NRJ 12, je crois, ou une connerie comme ça. Ouais, j'ai vu ça. Au programme de cet épisode, la grande finale donc, qui se verra opposer André, Magali, Tiffany et Sambrine, trois ex jaunes contre une ex rouge, les jeunes contre les vieux, ils les ont balayés. Et c'est d'ailleurs là-dessus que s'ouvre notre épisode. Petit générique à la bouche d'abord. Je vous le disais, l'épisode s'ouvre donc sur ces jeunes finalistes qui se disent tous entre eux. Bon, les amis, à niquer quand même. Hein. Tous ces rouges, là, ces vieux. Puis Magali qui reste un peu dans son coin. Avec Marguerite qui arrive donc sur le jury, à l'île du jury final. Et les jeunes qui y sont déjà, qui se disent, d'ailleurs ils sont pas beaucoup les jeunes sur... Il y a que Marvin en soi, bah, non? Oui, je crois bien. Ouais, c'est ça. Hein. Il y a eu André en passage express. Mais bah, il y a quelques-uns quand même qui sont comment. Il y a Maxime et Fabien quand même qui dit aussi, bon, je suis bien content que ce soit elle qui dégage. Fabien, oh merde, ça va recommencer. Ça aura duré tout le long. Et on enchaîne immédiatement avec l'épreuve d'orientation, finalement. Pas le temps de niaiser, ouais. Ça s'ouvre. Il reçoit une petite bouteille. Exactement. Eh ben, écoute, vas-y, Louis. Si tu veux quoi nous faire l'introduction de cette épreuve d'orientation. Alors, comme d'habitude, je me souviens plus qui, mais il y a quelqu'un qui est dans l'eau et il fait « Bouteille !» Il prend la bouteille et évidemment, bah, on leur dit ça va être l'orientation cachée derrière un poème super facile à déchiffrer. Ça doit être genre « Ne perdez pas le nord pour accéder à l'étape suivante !» Et ils font... ça c'est l'orientation. Et donc bah voilà, c'est parti. Ils vont dans un bateau et fuite. Ils ont leur planche. Donc évidemment, ça ne change rien d'habitude. Ils doivent trouver un petit coffret. Il y a trois lieux couteau, alors qu'ils sont plus. Quatre. Une dague, quelque chose comme ça. C'est un couteau, ouais. D'abord, ils doivent trouver une planche avec une inscription, un nombre de pieds et enfin un nombre de pas et une couleur qui indique une direction. Évidemment, il faut retrouver en premier lieu un endroit intéressant, un endroit iconique, de genre un arbre penché, un rocher qui ressemble à une grosse tub, je ne sais pas, il y a plein de choses. Comme d'habitude, il y en a deux ou trois qui vont au même endroit. Il me semble que ça doit être... Il y a trois lieux alors qu'il y a quatre candidats. Donc il me semble que Sandrine, Magali, André partent au même endroit. Je crois que dès le début, non? Dès le début, c'est pas séparé, je me souviens plus. André, il se sépare assez vite au final, mais ouais, en tout cas, on finit avec Sandrine et Magali au même spot, qui est un espèce de spot en bord de mer. Voilà. Tiffany qui cherche un arbre. Ouais, qui a apparemment le plus facile. Et André qui est obligé d'aller super loin dans la forêt. Mm-hmm. Ouais. Qui a pris le plus éloigné, il me semble. Ouais. Et puis c'est donc, comme ça, quoi. Mais rapidement, on a Magali qui va très très vite baisser les bras. Finalement, qui va dire, oh là là, je vais jamais trouver mon truc, de toute façon, je sais pas me servir d'une boussole, Je suis à côté de Sandrine, qui mine de rien, quand même, la situation qui est pas la plus simple à gérer. Non. Dans une finale de Koh-Lanta. Ah oui, vous parlez de Magali, merde. Ah oui, pardon, tu parlais de qui? Non, mais je confonds avec Mélanie dans ma tête. Ça va pas. Ah oui, Mais pas Mélanie non plus, qu'est-ce que je raconte? Mais non, Mélanie, elle est à l'hôpital, oh là là. Tiffany, d'accord, je croyais que tu disais, ouais, bref. Je suis perdu. Bon, alors. Tiffany ne sait pas utiliser une boussole. Bah oui, c'est ça. Mais de toute façon, elle le sait pas encore. Elle arrive pas à trouver son arbre. Tiffany, elle se balade d'arbre en arbre en disant, est-ce que c'est lui? Bah est-ce que c'est pas lui? Nanana, dans quel sens faut que je le regarde? Puis la seule fois qu'elle a utilisé une boussole, c'était sur son iPhone, si voilà. J'ai bien compris. Une fois, oui, c'est ça. Une fois sur son iPhone. Mais elle en avait pas encore besoin à ce moment-là. C'est bien ça le problème. Non. Ah bah non. Ni de lire une carte d'ailleurs. Bah d'ailleurs, ils en ont plus de cartes. Donc comme ça, c'est réglé. Comme ça, c'est réglé. Ouais, il faut juste partir à l'aventure. Ouais. Donc évidemment, elle baisse les bras. C'est pour ça que je disais, elle baisse les bras, parce que Magali, ouais, finalement, elle baisse pas si vite les bras. Elle est juste énervée et elle fait attention à Tiffany, où elle va aller jusqu'à courir jusqu'à à la planche et Denis pour faire paniquer la Golgotte Sandrine en lui faisant penser qu'elle avait trouvé la balise, alors que pas du tout. Elle était juste désespérée et elle s'est dit, je vais apprendre les couleurs. Ça va même. Il me semble que c'est là qu'elle perd le. Oui, c'est ça. En fait, c'est là qu'elle perd c'est la boussole. C'est en venant, en fait. C'est en venant. C'est en revenant. En fait. Ah ouais. C'est en revenant, ouais, elle l'a, et puis après, boum, elle a plus rien. Elle va réussir à perdre sa boussole, mesdames et messieurs. Je pense que c'est une première dans l'histoire de Koh-Lanta, non? Oui, c'est vraiment. C'est totalement improbable. On en arrive à une décadence du candidat qui n'en a plus rien à faire. C'est qu'ils apprennent pas à faire du feu, limite, why not? Mais vraiment, le coup de j'apprends pas à utiliser la boussole, j'apprends pas. Je la perds, c'est vraiment le total, je m'en fous. Mais moi, je me dis, tu vois, au final, pas apprendre à faire le feu, c'est un truc de premier, de début de Koh-Lanta, alors que pas apprendre à utiliser la boussole, tu te dis, ouais, attends, j'irai jamais à l'orientation, tu vois. Ouais, c'est vrai. Il y a moyen de quitter ça aussi. Tu vois, je suis pas sûr que Sandrine, elle se dit qu'elle irait à l'orientation et compagnie, tu vois. Et alors Tiffany encore moins, vu que tout le monde lui disait, t'es nul, tu vas rien faire, tu vois, donc. Alors il me semble que du coup, malgré tout, Tiffany, elle trouve assez rapidement sa boussole. Ouais, super vite. Sa balise, c'est peut-être la première à la trouver, je crois. Genre 30 minutes, je crois. C'est genre, elle va super vite. Hein. Alors qu'elle disait qu'elle y arriverait pas, gna gna gna. Après, il me semble que c'est Sandrine qui trouve la suivante. Ouais, vu qu'elle entre-temps, Magali, elle a déjà trouvé. Je crois qu'elle a déjà trouvé son. Il me semble. C'est elle qui la trouve. Non, Magali, c'est pas elle qui trouve la non, valise. Non. Tiffany, je disais, est-ce que Tiffany, elle a pas déjà trouvé son poignard avant que quelqu'un d'autre. Ah si, que caille au truc. Si, ouais. Ouais, il me semble. Oui, mais oui, tu as raison. Oui. Donc, Tiffany est qualifiée pour les poteaux. C'est ça, ouais. Super vite. Bon, première, en gros, ouais. C'est ça, en fait, ça va super vite. Elle trouve son truc, elle dit, ah bah, j'ai trouvé. Elle trouve la balise, elle revient au truc. Elle dit, bah, alors, Denis, voilà, je sais que c'est bleu foncé et 82. Bon, c'est pas ça du tout, mais c'est pas grave. Elle y retourne, elle prend sa boussole, elle galère parce qu'elle a jamais utilisé de boussole. Mais, ça va, quoi, elle se débrouille. Elle part tout droit. Elle marchait pas. Elle trouve le couteau. Une heure et demie, je crois. Pas mal. Performance. Bravo. De toute façon, on croyait en elle. On a eu un peu peur au moment du coup de mou, mais finalement, on savait bien que, voilà. On a eu très peur même, on peut le dire. Et donc ensuite, il me semble qu'ensuite, Sandrine trouve sa balise. Voilà. Et Magali, qui est en train de la surveiller, en profite pour se rendre compte d'où elle l'avait trouvée. Voilà. Pour la trouver dans le même temps. Ah, tu crois qu'elle l'a pas trouvée? Ah ouais? Moi, dans mes souvenirs, elle l'a trouvée et elle disait, je me souviens pas de la couleur. Non, pas du tout. Quand elle y va, quand elle y va, elle se dit, je vais attendre. Et comme ah ça, mais oui, d'accord. Oui. Elle pète complètement un plomb. Hein. Elle y va et genre Denis Brognard, il y fait la morale. Il fait, mais qu'est-ce que vous êtes en gros, il lui dit, qu'est-ce que vous foutez? Et elle est en mode, je crois qu'on parle pas. Il faut faire ça. Si, on parle de la même chose. Quand elle se barre, elle sait pas où est la balise. Hein. Mais on parle pas trouvé la balise. Quand elle a même pas trouvé la balise. Quand elle va à la table d'orientation. Ouais, elle a jamais trouvé la balise. Ah oui, mais moi je parlais pas de ça. Ok, c'est ça. Oui, d'accord. Non, à ce moment-là, ouais, non, elle l'a pas trouvé. Non, elle l'a pas trouvé. C'est pour déstabiliser Sandrine, quoi. C'est parce qu'elle s'emmerde, surtout, parce qu'elle peut rien faire. Je pense surtout qu'elle sait pas trop quoi faire et qu'elle, elle sait même pas trop si elle va rester au même spot ou si elle va changer. Elle est un peu perdue, hein. Moi, je parlais de une fois que Magali s'en va, parce que Magali l'a trouvé. Ouais. Là, pour le coup, elle va à l'endroit où était Sandrine. Elle regarde et elle trouve la balise. Oui, mais c'est surtout, ouais. Et ensuite, Sandrine revient. Magali cherche, continue de chercher. Sandrine revient. Elle prend une direction qui était la bonne direction. Elle cherche. Ouais. Elle ne trouve rien. Du coup, elle retourne à la balise. Elle change de direction en disant « C'était pas la bonne direction. Je sais pas lire une boussole. » Et part dans ça une tourne autre quand direction. Je tourne. C'est comment ça. Je peux savoir où est le nord si quand je tourne sur moi-même, la flèche tourne aussi? Non, elle a pas dit ça. Si, je te jure. Oui, bien sûr. Elle disait « Mais c'est pas possible. Le nord, il bouge tout le temps. » Donc si tu veux, qu'est-ce que tu veux faire? Voilà, donc elle part dans l'autre sens. Mais Magali, elle flaire et se dit, elle était partie dans ce sens-là dans un premier temps, je vais partir par là. Foutu pour foutu. Et elle part par là, et au bout de, bah pour nous, au bout de 30 secondes, pour elle probablement un petit peu plus. Ouais. Elle trouve le poignard sans boussole, qui était un petit peu caché en dessous d'un tout petit morceau de bois sur la plage, où il était enterré peut-être. Un caillou, je crois. C'est sur une table de galets, ouais. Ah, tu vas venir me tacler sur un caillou. Un caillou, Franck! D'accord. Là, donc bref, Sandrine, c'est sur une plage de galets. A donc, doit donc se rétracter et partir sur une nouvelle position et un nouveau point d'intérêt. Puisque, ouais, on a maintenant... sachant que je crois qu'entre temps, il a trouvé la balise et il a fait l'aller-retour, ouais. Donc il lui reste plus qu'à fouiller. Donc ce qui est en fait encore pire, parce que si tu veux, il y a plus qu'une étape, quoi. C'est-à-dire que s'il fouille au bon endroit, elle a juste à fouiller avec lui, quoi. Mais en même temps, la tension de l'épisode à ce moment-là était vraiment pas du côté d'André. Non, non, évidemment. Mais tu vois ce que je veux dire. Je me dis, si j'avais quelqu'un sur mon dos. Bon, déjà, j'aimerais bien que ça soit pas Sandrine, mais en plus, il y aurait le truc de, je préférerais devoir trouver la balise et après pouvoir la squeezer une deuxième fois parce qu'elle sait pas utiliser une boussole, plutôt que de devoir chercher dans un coin en faisant comme si c'était pas le bon coin parce qu'elle va être sur mon dos, quoi. Bref, voilà. Comme l'année dernière, les poteaux, c'est le bordel. L'orientation, c'est le bordel. Et c'est vraiment une espèce de cirque général où tout le monde fouille dans tous les coins, tout le monde surveille tout le monde, voilà. Bah, qui est pas forcément. Moi, j'aime bien hein, ce genre de situation. Ah, c'est marrant. Hein. C'est marrant. Moi, j'adore ça. Hein. Il y a les aussi voir le moment là où... se tirer dans les pattes. Ça, c'est rigolo. Le moment où justement Tiffany, elle a trouvé son arbre, et elle s'est dit oh là là, il faut pas qu'ils sachent que je l'ai parce que sinon ils vont venir avec moi et tout. Et elle fait une espèce d'infiltration dans les buissons pour retourner à la table d'orientation. Et quand elle revient, elle a oublié où était son arbre et tout. Je sais pas si vous vous ce truc. Bref, voilà. Mais du coup. Si, mais elle le retrouve vite, non? Ouais, ouais. Mais il y a le truc rigolo de, c'est vrai que c'est marrant de voir faire comme si, de faire attention à ses arrières, quoi. Mais surtout, c'est un truc assez, ce qui est cool aussi, c'est le fait que ça soit, même si tu vois, par exemple, Sandrine et Magali, elles sont sur le même spot, c'est un truc très solitaire en soi. Ouais. Tu sais, c'est une des seules épreuves où tu peux avoir des candidats, ils ont le temps de parler à la caméra, ils parlent tout seuls, tu sais, ils viennent un peu, en vrai, ils deviennent un peu ça fou, les rend ouais. fous. Ouais. Ça les rend fous, hein. Je pense que ça te rend fou, un truc comme ça. Et c'est rien que ça, en fait, c'est assez drôle, enfin drôle, je sais pas, mais c'est intéressant de les voir plonger, de les voir reprendre espoir, le moindre truc est décuplé, tu vois, et du coup, bah, quand ils gagnent, c'est fou, quoi. Donc on se retrouve avec une épreuve d'orientation remportée par Tiffany, mais... Ça durait 5 heures. Ah ouais, 5 heures, mais ouais. Elle, ça dure genre 1h30, un truc comme ça, je crois. Ouais, super vite. Il y a écrit 1h20 sur le résumé qu'on est en train de regarder, et 4h50 pour la... Je me permets une interruption. Louis, est-ce que t'as vu dans l'info en continu que le mec qui jouait Pug dans Glee, il était mort? Ouais, ah ouais, quoi? What? Le pédophile? Oui, c'est des catombes, mec, c'est pas possible. Quelle est la prochaine étape? Oh bah, je ne sais pas. Je crois Rachel morts, rejoint l'État islamique. Pas possible. Voilà, c'était la petite aparté Glee, on est désolé, mais... incroyable, beaucoup trop quel bien. Quel drame cette série, voilà. Ouais. On fera pas de podcast sur Glee, du coup. Hein. Non, ah, mais non. Ça sera trop triste. J'en doute, personne n'en aurait rien à foutre, quand même. Bon, il y a bien des gens qui nous écoutent parler de Koh-Lanta. C'est vrai, ça. Bon, bon du coup, bravo Sandrine. Tiffany. Et puis Sandrine, évidemment. Elle dit, écoutez, elle est triste, mais elle est bonne perdante. Elle dit, ils ont eu un Koh-Lanta qui était chaud du cul. Enfin, elle le dit pas comme ça, mais moi je le dis comme ça, qui était chaud du cul. Mais elle aurait pu. Elle aurait pu, oui. C'est n'oublions vrai pas qu'elle est sur le marché. Aragis, n'est-ce pas Aragis? Et voilà. Finalement, ils le méritent, ces petits jeunes. Faut ce qui nous emmène. Faut dire que, attends, quand même, en vrai, Sandrine, elle peut déjà remercier tous les dieux qui existent de tous les coins de la terre d'être allée jusque là quand même. Ah oui, genre elle tient à un fil. Je suis tétanisé. Voilà, c'est un fil du coup d'araignée supersonique Spider-Man quoi, mais un fil quand même. Donc je sais pas comment elle a fait pour arriver jusque là. Donc effectivement félicitations Sandrine, mais c'était pas gagné quand même. C'est jamais l'effort hein, qui vont au bout hein. En vrai, sa chance, ça a été que tous les rouges des gars ouais. soient, tu vois. Ouais. Qu'elle soit pas du côté des si jaunes. Si ça avait été les jaunes qui étaient partis, t'aurais eu des mecs qui auraient dit, bon, maintenant les filles, elles dégagent, nous, on se fait notre petit affrontement c'est à son couille, là, wow. Totalement. Et elle a eu de la chance par rapport à ça. Ah, évidemment, ouais. Après, faut pas quand même oublier que les jaunes aussi, il y a eu un peu d'aide des dieux pour en arriver là, si tu veux. Oui, c'est un vrai peu, aussi. Ouais. Un petit peu. Certains diront que c'était la prod, mais moi, je pense pas. sans transition. Alors d'ailleurs, oui, tiens, j'allais dire, tout de suite passer au petit tête-à-tête avec Denis Brognard et les finalistes avant l'épreuve des poteaux. Mais c'est vrai qu'avant, il nous faisait un petit tour en pirogue, des profils des anciens mecs et tout. Mais j'ai l'impression que ça fait déjà beaucoup de saisons qu'on le voit plus, ce truc. Alors que c'était quand même assez cool, moi, je trouve. Il n'y a vraiment pas du tout eu ça. Il y a eu peut-être un côté, on parle de Sandrine avant qu'elle parte, mais même, en fait, c'est simple, les jurys et les anciens candidats, on a eu mention qu'au début de l'épisode et à la fin, et jamais entre les deux. Et même, on en parlera peut-être après, justement, les poteaux, mais le côté cérémonial de la fin, il n'était pas du tout là. Enfin, tu vois, ils sont partis du camp, c'était en mode « Salut le camp !» Tu as d'habitude, il y avait des trucs un peu plus cool, quoi. Là, rien du tout, on brûle pas la cabane, bon. Super, quoi. Ils ont dormi sur une espèce de vieille miteuse à deux quand il y avait des finalistes. Je sais pas, j'ai pas été ultra convaincu par ça, effectivement, ouais. Donc bon, ils parlent à Denis avant l'épreuve des poteaux, ils disent « Ouais, bon, on est très contents d'être là, oh là là, on croyait pas qu'on y arriverait, gna gna gna. » Globalement, je vous fais le résumé. Hein, Ils ont un sentiment de revanche et ils sont contents, ouais, c'est vrai. Épreuve des poteaux, alors qui va durer 2h07. Voilà. Oula. Là, je vous le donne. Mais alors, c'est pas très long en vrai pour des poteaux, non ? Non. C'est pas très très long. Alors, moi, je tiendrai pas aussi longtemps. C'est aller que jusqu'au deuxième taquet, hein. Sans spoiler, bon. Oui, c'est vrai. D'habitude, ça dure un peu plus longtemps, quoi. C'est-à-dire qu'il y en a combien ? Il y a 3 petits morceaux ? Non, 2. T'es sûr ? 2, mais après, les mecs tiennent debout. Voilà, c'est en tout 3, forcément. Il y en a pas un de chaque côté et un devant ? Bah oui. Non. C'est un côté d'un côté. D'abord, le premier truc, c'est t'enlèves un côté. Et à la fin, t'enlèves côté et devant. T'es sûr de ça ? Bah, ouais. Je suis pas sûr, hein. Non, je crois qu'il y a les deux côtés et devant. Bah, peut-être. En tout cas, ils sont tombés au deuxième. Voilà, ça ne changera pas grand-chose pour aujourd'hui. Non, c'est ça. Un partout, on va dire. Donc, ils gigotent. Quand même, ça gigote, hein, sur les poteaux. Le pire, c'est André. André, moi, vraiment, voilà, c'est ça. Nage. Il y a vraiment des moments où... Ah, je me souviens de lui comme ça, qui tourne les bras en rond, sans arrêt. On dirait qu'il essaye de voler. Même les filles, ils font remarquer, elles font putain, tu gigotes et ouais, tout. Ouais, tu me déranges, on a un truc qui bouge dans le coin de l'œil. Comme t'es un moustique, tu vois. En fait, non, c'est André qui secoue les bras. Mais surtout, ça doit être. Alors, par contre, bon, déjà, 2 heures debout sur un poteau, ça doit être horrible. Mais debout sur un poteau à devoir secouer les bras pour pas tomber. En gigotant, je sais pas comment il est pas devenu fou, quoi, tu vois. Bah, il avait envie, je pense, hein. Il avait le mental, hein. Ça, c'est vrai. Lui, en plus, faut pas oublier quand même, il s'est fait éliminer à un moment, il revient et tout, il est déter, quoi. Et je pense qu'en plus, il se fait pas trop d'illusions sur le fait que si il gagne pas, il y a très peu de chances qu'il aille en finale aussi. Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai, t'as raison. Même si on en est pas sûr. Moi, j'en avais parlé déjà à l'épisode précédent. Bah ouais. Souvenez-vous. Ouais. Il y a longtemps. Avant le drame. Mais alors, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que, non, attendez, il faut qu'on fasse quelque chose. De parce que c'est quand même un moment absolument incroyable. Bah, est-ce que tu veux qu'on fasse une reconstitution? Vas-y, mais il faut qu'on y mette de la tension. Mets-nous une musique de tension derrière. Un truc de film d'action. Bah non, on va mettre la musique qui fait peur de Koh-Lanta, tu vois. Oui. Musique des conseils. Ouais, mais la musique des conseils, ah, je sais pas. Bon, on verra. Une musique qui fait peur. Denis arrive. Le ciel est nuageux. Il arrive, il dit les amis! Non, il dit pas le si, il dit peut-être les amis. Si. Les amis ? Non, il dit pas les amis pendant une épreuve. Non, c'est vrai, ouais. Aventurier de Koh-Lanta. Il dirait les noms. Il dirait les noms, il dirait Magali, Sandrine, André. Cela fait déjà 2h05 que vous tenez en équilibre sur ces poteaux. Et là, gloup, gloup, gloup, gloup, gloup, gloup. Mais qu'est-ce qu'on entend ? Mais c'est des chapeaux qui sortent de l'eau. Les mecs, on dirait Call of Duty 4. C'est des action man. Ouais, grave. Ils enlèvent leur masque de plongée. Ils ont de l'eau qui sort par les oreilles, tu sais. Là, d'un seul coup, il y a 6 caméramans et des mecs qui tiennent avec des bâtons, des petits fils. Je sais pas comment ça. Comme des serpents dans l'eau, ils là. Ils ont des masques de chasseurs et des crocodiles de Discovery Channel. Ils arrivent, hop, ils tendent les trucs. Vous allez retirer immédiatement ce truc à mon top et garder votre équilibre. Attention, top! Boum! Clou, clou, clou, clou, clou, clou, clou. Les trucs. Allez, tout le monde perd son équilibre. Non, il faut faire le. Tiens, il y en a deux en fait. Il y a le. Ah ouais, c'est vrai. Il y a le deuxième. Ouais. Attends, moi je fais le premier et tu fais le deuxième. Un, okay. Deux, trois. Oh my god! Là, on était comme des oufs, frère. Oh là, oui, ouais. C'était complètement ouf. Moi, j'étais debout. Complètement ouf. Je pense qu'il faut réexpliquer un petit peu ce qui s'est passé, parce qu'avec ces bruitages. Il faut faire même ralenti. Même si Lucas a réussi à faire un gros plouf. Tiens, qui est bien significatif. C'était difficile parce qu'il fallait faire un gros plouf et deux ploufs en même temps. C'est parce que j'ai vécu avec toi, Franck. J'ai bien entendu. Oh, allez, hop là. Magali, Tiffany, André tombent tous les trois en même temps. Moins d'une seconde d'écart. Quand on vous dit en même temps, c'est vraiment en même temps. Et je pense limite que limite en se donnant la main. Tiffany et Magali tombent vraiment les deux en même temps. C'est exactement la même chorégraphie, quoi. C'est pareil. Tu sais, si tu le passais au ralenti, ça ferait touche pas, touche pas, touche pas, touche pas, ça touche. Ça touche pas, ça touche. Et c'est André qui va tomber le dernier dans l'eau. Mais c'est ce que tu dis, il y a même pas une seconde, quoi. Non, il y a même pas une seconde. Il y a même pas une seconde. Il tombe, Denis l'a dit. C'est Denis, tu sais, il a un moment d'hésitation. Tu sais, il demande la vidéo à l'arbitre. Vous êtes parti. Et là, non, il y a pas moyen. C'est quoi, sûr. Quoi, j'attendais une chute. Ouais, j'ai pas compris. Ah non, plus, c'était juste parce qu'il les voyait plus sur les poteaux. Oh mon dieu, quelle horreur. Vous êtes parti. J'étais parti lire le résumé, moi, en plus. Dans... Vous comprenez pas ce que vous attendiez. C'est une catastrophe. Oh, c'est trop drôle. Je sais pas si eux, ils savaient qu'ils avaient gagné, en fait, tu sais. C'est ça, la vraie question. Est-ce que, genre, ils sortent de l'eau, ils sont en mode... Ouais, je crois pas, hein. Et genre, ils sortent de l'eau et ils entendent juste... André! Ils se disent, oh, merde, oh, yeah! Bah, André, il devait peut-être être content, quand même. Et André! Et là, il met la tête sous l'eau. Et il meurt. En vrai? Putain, je me souviens vraiment de rien, c'est honteux, j'ai honte. Il enlève son t-shirt, il va dans l'eau. Il serre Tiffany dans ses bras en lui disant ne t'inquiète pas. Alors attention, c'est le moment de Denis Brognard. Tu auras une deuxième chance, Tiffany. Je vous rappelle que sur le mytf1.fr, vous pouvez aller voir Denis Brognard qui teste l'épreuve des poteaux. Voilà, c'est votre petit moment si vous avez besoin de FAP Material. En tout cas, il y a 3 mois. Non, c'est toujours accessible. Je viens d'aller voir avant d'enregistrer l'émission. C'est toujours accessible. Quel professionnalisme. C'est sa page d'accueil Chrome. Les épisodes ne sont plus, mais les vidéos de Denis, ils sont toujours. Ah oui, comme d'habitude, les épisodes disparaissent dès la fin de l'émission, quoi. Et sinon, ils restent accessibles tout le long, quoi. Ça qui est... Pas sur base mon clic. Ah, ça c'est. Mais attendez. Bon, c'est pas grave, mais on n'a pas fait la minute sponsorisée par compteur-enligne.com. Chronomètre-enligne.com. Ouais, t'avais envie de l'écrire? Non, voilà. Bah voilà. C'est vrai, ça. On en reprendra pour la saison prochaine. C'est rigolo. Wink, wink. André, grand finaliste, mais maintenant il lui reste un choix à faire, André. Et Denis lui rappelle. Il lui dit, pas André, aujourd'hui, vous avez une décision lourde sur vos épaules. Il faut choisir le mec. Faut-il rétablir la peine de mort. La personne qui va vous accompagner en finale, affronter le jury. Et il me semble pas qu'il va réfléchir très très longtemps. Non, il sait déjà. Il sait déjà. Ils ont dû réfléchir toute la nuit avant, tu vois, t'es obligé. Ouais, mais tu sais, avant, il y avait un peu des trucs en mode le mec va s'asseoir au bout d'une jetée et réfléchir pendant 2 heures. Ah oui, là, ils ont pas fait semblant. Là, non, pas du tout. Il lui dit, voilà, c'est quoi? T'as 30 secondes, là, mon gars. Ben, il hésite pas, beaucoup. Il dit Tiffany. Il fait le bon choix. Alors, je me souviens plus des raisons. Alors, Je me souviens plus pourquoi. Je me souviens que c'était beaucoup d'énormes bullshit. C'était vraiment un truc... C'était les mêmes raisons que quand... Il y avait eu... pas les lettres, mais vous vous souvenez de l'épreuve après? Où c'était en mode... Ah bah alors, toi, tu vois, t'as des enfants... Et puis toi, t'as un t-shirt vert... Et puis, voilà, toi, t'as mangé du riz il y a 3 semaines. Voilà, c'était un peu pareil. Et c'était en mode, c'est Tiffany, quoi. Bon, Mélanie, Magali, elle va pas être rancunière, hein, même. Elle va être plutôt contente. Tout le monde est assez étonné. En même temps, elle aurait choisi Tiffany aussi. Oui, bah oui. De la moyenne d'âge des candidats qui est de 21 ans, du coup, puisque André en avait 19, rappelons-le. 22 pour Tiffany. Tout à fait. Oui, parce qu'en fait, je viens de penser qu'elle vient d'en avoir 23, bon anniversaire. Oui. Et donc Magali, bah, 23 sûrement. 24, 24. Ah non, Magali, elle en avait 28. Oh, Magali, elle avait, ouais, 28, ouais. Magali. Bah alors, comment c'est possible que la moyenne d'âge... Bah parce que mais les non, finalistes, les deux, ce sont les mais deux, oui, donc pas Magali. Ouh, il est idiot. Et on va se retrouver ensuite, si je ne me trompe pas, et si vous me le permettez, au conseil face au jury final. Ouais, je crois que c'est le soir même, d'ailleurs. C'est, oui, c'est tout de suite après. Même, hein. En tout cas, dans le montage, c'est 30 secondes après, effectivement. C'est là où on perd la cérémoniale qu'on avait ouais, avant voilà, avec ouais. Les deux finalistes qui vont revoir tous les profils des candidats quoi. Mm-hmm. Moi j'aime bien les feux, alors j'aimais bien qu'ils brûlent le camp, je trouve ça cool. Peut-être qu'ils ont pas le droit. Aussi, peut-être qu'ils ont pas le droit en fait. Ouais, ça se passe ça enfin. Ce qui me paraît pas dégueulasse en vrai de juste pas foutre le feu sur une île avec de la forêt, c'est une bonne idée en soi. Mais mais c'est chouette à regarder. On arrive donc au conseil. Tous les vieux surtout, tous les vieux plus Marvin et Magali du coup, sont réunis. Alors, moi j'aimerais le résumer comme ça, si vous me le permettez messieurs. Oh là là, André, t'as vraiment été un bon gars tout du long. Oh là là, Tiffany, au début on s'attendait pas à ce que tu deviennes ce que t'es aujourd'hui, t'as eu une progression de ouf. Et au milieu de tout ça... Ouais, non, mais vraiment, moi, je trouve que Inda, ils ont pas été très loyaux, ils ont fait des trahisons yeux, et tout, vraiment, bravo les jaunes d'avoir été soudés, parce que nous, ici, dans le camion, là, on n'avait pas beaucoup de mecs qui étaient poignardés dans le tout, là, connard. Voilà, globalement, c'était ça. Oh là là là là là. Mais tu sais qu'aujourd'hui, ça se trouve, il en parle encore. Hein. Le soir, des fois, je suis sûr qu'il dit à sa femme, putain, quand même, mais si Maxime m'avait pas trahi. Bon, on va manger une escalope, chérie. Allez, non, une entrecôte. Je pense à lui en ce moment parce que je m'occupe de chercher des références pour des camions. Voilà. Pour un projet. Et du coup, à chaque fois que je parle de camions, je pense à lui. Sébastien, si tu nous écoutes. En train de squatter devant ses gros pneus, là, en disant, ouais, c'est toute ma vie. Vous l'aurez compris, hein, Sébastien a passé son temps. Vraiment, tout son temps de parole à dire, à chialer comme une pute de cette affaire avec Fabien et Maxime, encore et encore, tandis que les autres ont vraiment essayé de féliciter les deux finalistes sur leur aventure au final. Et ouais, ils ont été plutôt grand prince d'ailleurs. Ouais, plutôt pas mal. Tu vois, je me disais s'ils vont faire les bâtards et ils vont être méchants avec Tiffany et je sentais que ça allait me faire mal au cœur. Et finalement, ils ont, comme nous, apprécié son aventure et ben finalement, la manière avec laquelle elle s'est découverte à elle-même et à nous. Mais quel a été votre sentiment à la fin de ce conseil ? Est-ce que vous êtes dit... En termes de vote ? Parce que là, franchement, les avis étaient plutôt assez... Partagés, quoi. Partagés, c'était plutôt assez égal. Alors, qu'est-ce que vous vous disiez ? Vous attendiez à quoi ? Qu'est-ce que tu t'es dit, toi, Lucas ? Après, je me dis, en fait, en soi, j'ai pas trouvé ce conseil super intéressant dans le côté où c'était... En fait, c'était juste des mecs qui votent pour des gens dont, en fait, les rouges, faut être honnête, ils en avaient rien à foutre, en fait. Enfin, tu vois, ils étaient en mode, dans leur tête, ils disaient, ouais, ce serait quand même mieux si c'était nos potes qui étaient là, tu vois. Et du coup, ça a fait, enfin, c'était un peu genre du léchage des votes pour pas dire, oui. Putain, on a vraiment trop le seum que vous nous ayez enculé sur un gros coup de chance, tu vois. Et qu'on a été cons aussi, tu vois, mais eux, dans leur tête, ils doivent se dire que c'est un gros coup de chance, tu vois. Plus, on sentait quand même qu'ils connaissaient pas du tout Tiffany, en fait. Ouais, et voilà. Un truc, ils en parlaient vraiment comme quelqu'un de loin, et ça, c'était un peu frustrant. Et du coup, toi, t'étais en mode, ça va être qui ? Tu sais pas ? J'étais spoilé. Ah, forcément. Merde, oui, comme, c'est vrai. Je crois que j'ai été spoilé. Je sais plus. Bon, tu sais, de toute façon, c'est facile. Hein, tout Twitter le matin, oui, c'est écrit direct. Hein, le gagnant. Moi, j'ai regardé en live, moi. Et du coup, moi, je croyais à Tiffany à ce moment-là. J'étais déjà torse nu. Je me suis ouais. dit, mais en fait, ouais, moi, mais parce... quand ils sont arrivés, bah oui, parce que je sais pas si vous vous souvenez, mais quand Fred a gagné l'année d'avant, je me suis mis nu. Et donc. J'étais prêt à me mettre nu pour Tiffany. Donc j'étais déjà torse nu. Non mais vous voyez ce que je veux dire. Pour célébrer cette victoire elle va être contente. Non mais vous voyez ce que je veux dire, c'est parce que c'est la folie. Donc j'étais torse nu pour la victoire pour la sélection pré-victoire. En finale. Voilà. C'est-à-dire que déjà j'avais sauté dans tous les sens quand elle avait réussi à faire le couteau, mais bon ça s'était calmé. Et là la finale, je me suis dit, yes. Torse nu, et là... C'est parce que t'avais envie qu'elle gagne, parce qu'en soi, André, il connaissait tous les rouges, tu vois, ça me semblait presque logique, tu vois. Ouais, mais attends, en fait, moi, du coup, je me suis dit, ils vont dire, ouais, bah, Tiffany, tu nous as niqué, nanana, et tout. Et comme ils ont été super sympas avec Tiffany, je me suis dit, Ah bah, ouais, non mais... ça peut pas être du lait. Enfin, tu vois, ils sont forcément un peu sincères puisqu'ils disent la vérité, c'est-à-dire que c'est elle qui a eu la plus belle courbe de progression, nanana, et c'est que ça. Vraiment, objectivement, elle méritait de gagner Koh-Lanta, tu vois. Et moi, j'étais en mode, oh, ils s'en sont rendus compte, enfin, tu sais, comme un témoin de Jéhovah où un mec accepte de lui parler 5 minutes, tu vois. Je me suis dit, putain, mais oui, ça y est, ils ont enfin compris, et ça y est, c'est bon. Et tu vois, vraiment, je me suis dit, j'avais les poings en l'air, et j'attendais, je me disais, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Le royaume de Dieu. Voilà. Donc, je me suis dit, c'est bon, j'ai leur attention. Ouais, moi, je suis d'accord avec toi. Moi, je suis d'accord avec toi, j'ai eu le même sentiment. Moi, je peux pas vous dire ce que je savais déjà, en fait. Donc, ouais, c'est ça, ouais. Peut-être donc, qu'il y a eu un truc dans le mood et tout qui aurait pu faire penser à ça. En tout cas, moi, de toute façon, je savais déjà que c'était pas Tiffany qui gagnait, donc. Ça se trouve, en le revoyant, on se dirait, ouais, c'est clair qu'en fait, il se foutait de la gueule de Tiffany. Je sais pas exactement, enfin, qu'est-ce qui se passe dans ta tête à ce moment-là, tu vois. C'est quand même, tu décides de donner 100 000 euros à quelqu'un, quoi. C'est quand même violent comme pouvoir, tu vois. Les candidats vont donc voter. Denis prend le coffre, le scelle, et dit « On se retrouve à Paris dans 6 mois !» Il me semble que c'est quelque chose comme ça, hein. C'est une timeline qui doit être au moins de 4 mois, c'est sûr. Facile, ouais. Bah, oui, puisque c'est facile, ils enregistraient pendant la diffusion mars, précédente. C'est tourné si en mars-avril, et c'était en décembre, 14 décembre, donc ouais, ça fait un petit moment. Ce qui est sûr, c'est que on se retrouve en direct à Paris, ce soir-là, le 14 ou le 15 décembre, je sais plus. Et est-ce qu'on fait des jeux de mots pourris et des blagues nulles sur le physique des gens? Oh, bah pourquoi pas. Je me dis, c'est obligé, il les écrit avant, parce que t'imagines, sinon quand t'es... Enfin, c'est... Ah oui, non, mais ça, c'est insupportable. Qu'est-ce que tu fais quand tu tombes sur quelqu'un que tu trouves moche et que t'as plus rien d'autre que la belle? Il faut au moins deux compliments avant, tu sais. Il y a des mecs dans l'oreillette avec des dictionnaires des synonymes, toujours souriante, Mais c'est ça en plus, la toujours souriante, il la sort. Il est venu du sud avec son sourire, et bien sûr, oui. Des trucs comme ça. Startup Nation est derrière elle. André, toujours pas de sport. Mais il fait du rugby en plus. Mais oui. T'es con. C'est pas possible. Ce que t'es bien avec le Prime, c'est que pour une fois, c'était pas trop long. Parce qu'il y a des fois, c'est interminable. Tu vois, surtout, genre, ils demandent leur avis à tout le monde alors qu'on s'en fout. Ouais, enfin, ouais. Alors, ce qui était vraiment super cool, c'était de suivre les candidats en direct sur Instagram. Parce que du coup, il y en a pas mal qui étaient en direct. Dans les loges. Et de voir les loges un peu et ce qui s'y passe. Et ça picole, hein. Ah ouais? Ah, déjà avant, il me semble qu'ils étaient en train de picoler, hein. Ah ouais, ça y va? Alors du coup, on se posait cette question de, au final, est-ce que les mecs, ils savent pas déjà qui va gagner? Parce que de toute façon, ils se voient tous dans les loges et ils peuvent très bien se dire les uns les autres, même avant cette date-là, j'ai voté pour toi, et faire le compte. C'est vrai que c'est possible. Non, Lucas, qu'est-ce que t'en penses? Je sais pas, faudrait demander à un des candidats. Si l'occasion se présentait. C'est jamais. Ça serait quand même exceptionnel. En attendant, les votes sont comptés par Denis Brognard lui-même. Il est toujours là. Il est toujours très présentable avec ses petits paquets de spaghettis. Non, c'est des petites nouilles, c'est comme c'est ça que tu les appelles. Ouais. C'est une nouille. Il était encore très beau. Oh là là, oui. Il porte bien le costume, hein, quand même. Hein. Oui, c'est ce que j'allais dire. Et quand même, quand tu le vois à côté des candidats, il est quand même très très grand. Ah ouais, il est immense. Oh, je sais plus, il fait un 90, un truc comme ça. Et on se retrouve avec, il me semble, un seul vote, qui n'a pas été pour André. C'est une catastrophe. C'est de Marguerite, en soi. Magali, ouais. Bah ouais. Horrible, quelle déception. Hein? Mais quelle déception. J'avais le cœur brisé, moi. Vraiment, c'était horrible. Vas-y, allez, André! Il y a même pas eu de suspense. C'est même pas allé jusqu'au bout. C'est ça qui était horrible. C'est qu'il y a un moment où on a dit, en fait, c'est sûr qu'il a plus de votes que la moitié. Non, mais quoi. C'est trop chiant, quoi. Tous les ans, c'est pareil. Sinon, c'est égalité. Des fois, c'est égalité. À l'ancienne, c'était comme ça. Et il splittait les 50 000. Il splittait en deux fois 50 000. Ouais. Ah ouais? Ouais, ça arrivait avant. Ouais. Ça aurait été bien. Ça m'a dégoûté. Franchement, j'étais trop, trop triste. Ouais, André, il le mérite, mais le problème, c'est, on va en discuter, c'est il gagne totalement parce qu'il a été dans l'équipe des Rouges à un moment. Alors c'est vrai qu'il a été, en plus il était cool avec eux et tout, mais je pense que Tiffany, si elle avait été avec eux, il l'aurait aussi trouvé cool et ça serait aussi bien passé, quoi. Bah oui, bien sûr. C'est la preuve que les vieux, c'est des gros connards fermés d'esprit, remplis de préjugés, hein, voilà. Ils sont dégoûtés de pas avoir gagné, donc ils s'en prennent aux jeunes, hein, qui font trois d'ordinateurs, voilà. Hein. À l'époque des adresses caramel, ça se passait pas comme ça, avec vos Facebook, nanana, et puis dans mon camion. On allait voilà. Sur le Minitel. Voilà. Bon. Catastrophe. C'est là-dessus bah, là, que se triste, finit quoi. La horreur. Saison au Fidji, sur une un balai-couillage total de Lucas et une déception pour Louis et moi. Non, pas balai-couille en vrai, mais... Bah, t'aurais voulu qui ? Bah, je sais pas. C'est, enfin, c'est sûr que j'adore Tiffany. Mais d'un côté, tu vois, comme disait Louis, André, il n'y a pas démérité. Et Tiffany, non, totalement pas. On verra, mais Tiffany, elle est All-Star, tu vois. Elle s'est révélée sur cette aventure. J'espère qu'elle fera, qu'elle va carburer All-Star. Et je sais pas. En fait, j'ai l'impression que je considère de moins en moins Koh-Lanta. Enfin, tu sais, comme un. Je trouve que Koh-Lanta commence à se transformer en plateforme, tu sais. Et je me dis, Tiffany, en vrai, je me fais. Enfin, tu vois, en vrai. André, il veut rien en tirer, tu vois, de Koh-Lanta. Il a fait de l'aventure, mais il va rien en faire, tu vois. Tiffany, ça lui a donné de l'exposition. Je sais pas, je me dis que ça peut marcher pour elle, tu vois. Je me fais pas de soucis. On verra. Louis ? Bah, moi, j'étais déçu quand même. C'est vrai que ce que je trouve triste, c'est. Bon, déjà, objectivement, je trouve que. En fait, c'est même pas face à André, Tiffany méritait de gagner, c'est dans l'absolu. Je trouve qu'elle méritait de gagner avec ce qu'on a vu d'elle et. Comment on savait qui c'était, sa progression, tout ça. Donc je trouvais que c'était plus intéressant. Et surtout, ce que je trouve bête, c'est que finalement, c'est quand même au-delà. En fait, André, il s'est fait têche, il est revenu, nana. Donc ça, c'est pas, il a pas triché, si tu veux, mais il a un parcours qui est moins tout clean, tout stylé. Alors que Tiffany, c'est elle qui a fait face au rouge dans les moments chiants, nana. Et du coup, j'aurais trouvé que ça aurait été vraiment stylé. Enfin, tu vois, ça aurait été, c'était le point d'orgue de cette saison qui finalement nous a intéressé quasiment uniquement. Grâce aux jeunes à partir de la moitié, quoi. Ouais, carrément. Et ouais. Je trouve que du coup, c'est bête parce que ça, bah, déjà, ça récompense pas tous ces efforts-là et ces stratégies toutes ciblées. Et surtout, je pense que, et je suis désolé de dire ça, mais ça va sûrement être plus compliqué de gagner les All-Stars pour Tiffany que c'était de gagner cette finale en restant sur un poteau 3 secondes de plus, quoi. Alors, j'en profite pour rebondir sur une question que nous a posée. Guillaume d'Esprit Critique sur Twitter et nous a demandé est-ce que la victoire d'André c'est celle de la stratégie. Et ben justement j'allais en parler parce que moi je pense que justement on a tendance à l'oublier, mais c'est André qui a vraiment à plein de moments révélé la... enfin pas révélé, mais des fois Tiffany et Magali étaient en mode ah putain on est foutu, et André disait non attends on va faire tel move, on va faire tel move, et ça marchait, tu vois. C'est vrai, c'est vrai. Et d'ailleurs, il y est resté. C'est lui qui s'est fait éliminer, quoi, tu vois. Donc, moi, je comprends, tu vois, votre déception, mais je trouve que par rapport à la version de Koh-Lanta que nous, on veut et ce qu'on vend, putain, André, il a juste été parfait, tu vois. Et quand on en a reparlé plein de fois, mais l'enthousiasme d'André quand il est revenu dans l'aventure, l'enthousiasme d'André quand il s'agissait de faire des stratégies, c'était génial, quoi. Et du coup, moi, effectivement, c'est la victoire de. Enfin. Mais d'un côté, André, il a pas gagné parce qu'il a été stratège. André, il a gagné non. Parce qu'il a été sympa oui. Au début, tu vois. Faut être honnête après. Donc, je suis content moi, qu'il gagne par rapport à ça. J'étais pas en train. Moi, je dis pas que du tout que André mérite pas de gagner dans l'absolu. Hein. Non, évidemment que non. Je sais bien que tu dis pas ça. Enfin, tu vois, c'est pas comme s'il a pas du tout arnaqué sa victoire. D'ailleurs, mine de rien, on peut dire qu'il a fait une épreuve de plus que les autres pour avoir le droit de revenir. Nanana. Ouais, en plus, ouais. Mais, ouais. Du coup, je suis pas sûr que ça soit la victoire de la stratégie. Pour être honnête, franchement, il y a plein de fois où c'était comme ça, quoi. Est-ce que on se décide de clore cette saison et d'en faire un petit bilan ? Oui. Ah ouais, on est bien obligé. Alors est-ce qu'on a un générique à la bouche pour clore la saison ? Faut un truc un peu pas le même que celui qui ouvre l'épisode parce que ça ne marche pas. Je me souviens pas si on a autre chose. On sait pas en faire d'autres. Au pire, tu sais, j'ai exporté tous les sons. Vous vous souvenez ? J'étais vraiment content de l'avoir fait. Allez, petit générique. On va maintenant se poser la question de ce que nous a finalement apporté. On en a déjà parlé pendant plein d'épisodes de manière assez diverse et variée, mais de ce que nous a apporté cette émission, ce qu'on pense qu'il y a manqué. Ce qu'on aurait bien voulu y voir en plus, et ce qu'on attend un petit peu pour la suivante. Qui veut commencer ? Qu'est-ce que vous avez déjà adoré ? On en a déjà parlé 50 fois, on va essayer d'être bref. Qu'est-ce que vous avez adoré, Lucas ? les jeunes, le fait qu'il y ait des candidats qui comprennent enfin qu'il faille faire de la stratégie. Je pense que l'île du paradis perdu, il y avait, à mon avis, l'idée de lier des candidats et ensuite de remélanger les trucs était une bonne idée. En soi, ça n'a pas vraiment marché. C'est ce que j'ai aimé. Tiffany, André, Magali, Maxime. Au final, tu vois, on va être honnête, c'était trop bien. Sans Maxime et Fabien, on n'a pas la saison qu'on a, tu vois. C'est grâce à eux que tout a twisté, tu vois. Maintenant, voilà, c'est pour ce que j'aime bien, on en est là. J'imagine qu'on fera ce qu'on n'a pas aimé après. Bien sûr. Louis. Yes. Alors, bon, du coup, pour pas se répéter, tout pareil, vraiment Maxime, quoi. Genre, j'y repensais, là, je me disais, finalement, en fait, tu vois, lui, s'il avait gagné, on aurait pu dire quand même c'est une victoire de la stratégie, parce que, mine de rien, je suis toujours pas sûr. Enfin, tu vois, est-ce qu'il est vraiment fou? Ou est-ce que tout ça, c'était juste pour faire le mec désolé? Parce que quand même, il les a vraiment bien niqués, quoi, tu vois. 3 fois de suite, il leur a voté dans la gueule, vraiment. Et donc ça, je me dis, tu vois, si c'est contrôlé, c'est vraiment une forme de génie, il faut le dire. Donc, ouais, Maxime, merci pour le sel que tu as apporté à l'émission. Et quelques, mine de rien, bonnes idées de dynamique de jeu en général qui ont finalement rendu le jeu impossible à être aussi chiant que la saison précédente. Voilà. On va rester sur Louis. Qu'est-ce que tu as détesté? Alors, j'aurais dit les épreuves déjà. Ouais, c'est ce que j'allais dire. En fait, le fait que on est toujours, en fait, ça commence à devenir chiant d'avoir des épreuves qui sont soit des épreuves qui sont des classiques qu'on connaît par cœur et qui du coup sont pas très intéressantes parce que pas très nouvelles, et que l'opposition qu'on est face à ça, ça soit des trucs dans tous les sens avec 5 étapes différentes, des murs à grimper, des cordes à tirer, des trucs à enflammer. Tout le monde doit faire un salto arrière pendant que les autres... Enfin, tu vois, il y a des fois où ça fait plus vraiment de sens, quoi. On comprend pas pourquoi il doit faire ces trucs-là. Tu vois, aller chercher des trucs dans l'eau et les ramener, pourquoi pas, mais faire des allers-retours dans la jungle, c'est un peu bizarre. Je sais pas, il y a vraiment des trucs qui étaient pétés, des trucs qui servaient à rien, des problèmes de montage quand même assez vénères au début. Alors, ça s'est arrangé, mais... Il y a des fois, je sais pas si vous vous souvenez, c'était vraiment l'angoisse, quoi. On avait l'impression de regarder un espèce de vlog tout pourri qui faisait aucun sens avec... 5 minutes de trucs intéressants sur 1h30 d'émission, quoi. Ouais, mais vu qu'ils nous ont écoutés au fur et à mesure. Bah, c'est ça. Alors, je sais pas s'ils s'en sont. Voilà. Bon, disons-le, nous avons amélioré Koh-Lanta grâce à nos feedbacks, mais. Non, mais pour de vrai, genre, ça c'est vraiment. C'est devenu de mieux en mieux avec le truc. Mais, ouais. Peut-être. Surtout, le vrai problème pour moi, c'était l'opposition jeune contre vieux qui finalement. A un peu. Enfin, moi, c'était. Je pense que c'était la gangrène de l'émission parce que. Elle a. Pas réussi à... Je pense que si ça avait été des équipes mélangées, juste des équipes, si ça avait été jaune contre rouge avec pas cette contrainte d'âge, on n'aurait pas eu les problèmes. Je pense pas. Moi, je pense que l'espèce d'alliance rouge qu'a trop tenue, je pense qu'elle se serait brisée petit à petit. Mais là, il y avait une vraie opposition d'âge qui était terrible au-delà de la couleur, tu vois. Je pense que justement, l'âge, c'est un des facteurs premiers, en fait, qui associe les gens déjà de base, en fait. Bah ouais. Donc, je me dis, pourquoi donner une opportunité de juste... T'aides les gens, enfin, en gros, les associer tout de suite directement, tu vois. Et en plus, en donnant des couleurs, enfin, tu vois, donc, ouais, j'ai pas trop compris. Le début un peu long, plein de trucs, finalement, qui servaient pas à grand chose. Et puis, tu vois, en fait, c'est débile, pas mais de survie, cette histoire de mélanger les équipes d'un coup, alors que les rouges avaient déjà établi des liens très, enfin, il y avait un vrai problème qui a fait que... Oui, on a senti quand même. On a senti que toutes les cartes de « on peut redistribuer le jeu et la stratégie » ont été claquées pendant les 6 premiers épisodes. Et qu'après, on s'est retrouvé en mode « what, qu'est-ce qu'on va faire avec ça ?» Je pense qu'ils ont donné peut-être, à mon avis, trop de... Enfin, d'un côté, ce qui est bizarre, c'est qu'il y a eu des gens qui ont été vraiment très très smart, tu vois, chez les jaunes. Ouais. Et en face, je suis désolé, mais les rouges, c'est des débiles, quoi. Tu vois, voilà, c'est ça. C'était des mongoliens, enfin, je veux dire, ils se sont fait niquer. Comme ils devraient avoir honte. Enfin, je veux dire, moi, si j'étais avec eux au conseil, j'aurais eu honte parce qu'en vrai, bah oui. Je suis désolé, mais même si c'est super le parcours des jaunes, ça n'aurait jamais dû arriver, tu vois. Enfin, c'est-à-dire, c'est impossible. C'est terrible que les jaunes se soient autant battus pour finalement. Alors, d'accord, ils sont 3 en finale, mais on est d'accord que si on enlève les coups de bol, il y a quand même des gros problèmes de système, enfin, de game design dans l'absolu qui font que comment une équipe qui finalement a un mec de plus. En gros, hein, vous voyez ce que je veux dire, peut arriver à finalement bloquer le jeu comme ça. Les votes noirs servent plus à rien. Enfin, tu vois, il y a tout ce truc tout bizarre de. Les votes noirs ne servent plus. Enfin, les votes noirs servent juste à ralentir le jeu et à empêcher. Et au lieu que ça soit une personne qui vote double, c'est une personne qui élimine. Alors ça a ses avantages aussi parce que c'est, ça évite qu'un mec qui t'a trahi, tu lui donnes le vote rouge et enfin le vote noir et il fasse un double vote après en son nom quoi. Mais ça crée aussi, enfin en fait j'ai vu personne se faire niquer à cause du vote noir, je crois. Et du coup, elle est où la vengeance quoi? Mm-hmm. À quel moment? Bah, tu sais, on en avait reparlé, mais le problème du vote noir, c'était le fait qu'en en soi, tu puisses jamais. Enfin, en gros, si t'es 4 et qu'ils sont 3 d'un côté et que tu réussis à virer. Enfin, tu sais, tu réussis à prendre un avantage, en fait, ouais. Les mecs vont avoir un vote noir, en fait, t'as jamais d'avantage, en fait. Non, tu vois. Et tu tournes dans un cercle infini où tu t'élimines entre eux. Et non, mais en fait, je pense que juste, il y a vraiment eu une différence d'intelligence et de vision du jeu entre les vieux et les jeunes. Et je suis désolé, mais en vrai, peut-être qu'il faut arrêter de casser des vieux dans Koh-Lanta, en fait, parce que c'est... Enfin, d'un côté, ça en fait peut-être une émission familiale, mais je me dis, en fait, il faudrait peut-être juste faire un Koh-Lanta où il n'y a que des mecs qui ont moins de 30 ans, quoi. Tous les chiants, c'est les vieux, hein, au passage. Redisons-le quand même, hein. Je veux dire, Sébastien, bon, c'est un vieux. Putain, comment il s'appelait Startup Nation, elle est... franchement, elle était relou au début. À la fin, elle était chiante. À la fin, l'autre était chiante. À la fin aussi. Mauvaise perdante, quoi. Voilà, mauvaise perdante. L'autre qui secouait les arbres la saison d'avant et que son ami dans la forêt, là, pareil. Enfin, tu vois, en fait, le problème, c'est que les jaunes, au pire, ils s'éliminent, au pire, ils se détestent, ils s'engueulent. Mais c'est pas possible. Et alors, ouais, genre, c'est terrible, quoi. Les mecs, à partir de 35 ans, ils commencent à bouder et à croire qu'ils ont plus raison que tout le monde, quoi. Peut-être que tu seras comme ça, hein. T'es déjà un peu comme ça, donc. Bah ouais, mais je sais pas, ouais. Bah peut-être c'est pour ça que je vais pas à Koh-Lanta. Parce qu'ils veulent pas un singe de plus sur les îles. C'est ça, il y en a aussi. Peut-être limite pour faire les plans de coupe, mais à part ça. Et toi, Franck? Moi, il y a aussi un truc, voilà. C'est je trouve pas beaucoup mon quota de survie. Ah, hein, j'en ai parlé assez souvent et on l'a vite oublié. Et au final, bah, c'est toujours quand même appréciable d'avoir un mec qui vient, qui leur montre des trucs, des gars qui vont à la pêche et tous ces trucs-là. Alors, c'est vrai que dans cette saison-là, il s'est passé tellement de choses qu'il n'y avait pas forcément la place de mettre tout ça. Mais on l'a vu que dans la saison d'avant, bah, c'est pas pour ça que... J'ai pas l'impression que c'est... Je sais pas, ouais. C'est un pilier de Koh-Lanta en 2018. Non. Non, mais d'un côté, il y a The Island qui fait ça. C'est un peu malheureux, c'est que moi, j'aime le côté tranche de vie, tu vois, qu'il pouvait y avoir avant dans Koh-Lanta, ouais. Où tu vois juste des mecs en train de déjeuner et de parler. Et pareil, il a quasiment complètement disparu, en soi. Enfin, ouais. C'est très rare. À part lors des conforts, on les voit rarement partager des moments ensemble. Moi, je pense que ça se tient au fait que, je sais pas si c'est à cause de The Island ou quoi, mais qu'ils essayent de recentrer leur truc vers le côté jeu et moins le côté expérience, quoi. Mais d'un côté, t'as des gens qui viennent y participer, qui sont là pas tellement pour le jeu. C'est ça qui est un peu bizarre, en fait, tu vois, et qui fait que ça devient... Que ça peut potentiellement devenir inintéressant si tous les gens sont dans ce mood-là. Franchement, tu vas pas me faire croire qu'en France, il n'y a pas 20 mecs super sportifs qui sont prêts à gagner toutes les épreuves, quoi. Donc, ce que je trouve... Ouais, mais justement, c'est un problème. Le problème, c'est que les mecs sportifs aussi... en France, on t'apprend des conneries comme l'esprit Pierre de Coubertin et des saloperies comme ça, tu vois. Alors que... Mais moi, je trouve qu'il y a un côté... Mais en fait, moi, je trouve que c'est bien. Moi, c'est le truc que j'aime bien dans Koh-Lanta. Moi, je trouve ça marrant qu'il y a un moment où les forts, ils se mettent à se faire virer. Enfin, tu vois, je trouve que ça a un intérêt et c'est ça qui fait que le jeu, il peut être marrant, tu vois. Mais juste, le problème, c'est que bon, il y a évidemment personne pour prendre le relais après, quoi. Je sais pas. Je pense qu'en vrai, il y a plutôt des problèmes structurels de... on n'arrive pas à dynamiser le jeu et on n'arrive pas à avoir des trucs intéressants. Je pense que cette année, vraiment, ils ont manqué de trucs intéressants à montrer, quoi. Parce que l'année d'avant, ils se retrouvaient à avoir... En fait, il y avait rien d'intéressant à montrer parce qu'il n'y avait pas de survie, parce que les mecs, ils mouraient de faim, ils étaient au bord du suicide. Là, c'était horrible. Cette année, ils ont dit, et franchement, c'est tout à leur honneur, on va éviter d'aller sur un truc où il y a des typhons et pas de noix de coco et les mettre dans un truc où il y a que de la bouffe. Donc, c'était plutôt cool, mais effectivement, il n'y a plus de survie. Et comme il n'y a plus de survie, il n'y a plus de moment où on galère parce qu'on va chercher des trucs. Bah, tu vois, le seul truc de survie dont je me souviens dans les derniers épisodes, c'est... Mélanie qui se fait mal à la jambe parce qu'il y a un crabe ou je sais pas quoi, tu vois, elles vont chercher des crabes sur l'île en face. Genre ça, on en a déjà vu des centaines, quoi. Je sais pas, ouais, trop de monde au début, pas assez à la fin. Je sais pas, je trouve ça bizarre. Franchement, il y a un truc chelou. Et alors, à côté de ce qui vous a plu et ce qui vous a déplu, qu'est-ce qui vous a manqué? Du coup, on en parle un petit peu. Je viens d'introduire le truc, mais qu'est-ce qui vous a manqué? Je sais pas. D'un côté, enfin, tu vois, vous avez été comblé. Bah, pour moi, c'est la meilleure saison de Koh-Lanta de tous les temps, tu vois. D'un côté, c'est pour ça que j'ai pas envie d'être trop bitchy, parce que pour moi, c'est la meilleure saison de Koh-Lanta de tous les temps. Tu vois, genre, dans tout ce qui s'est passé, dans le fait que la stratégie a des... Enfin, il y a eu vraiment de la vraie stratégie et des trucs intéressants. Mais je, ouais, je sais pas. En tout cas, c'est vrai qu'il y a peut-être eu un problème de manque de... Enfin, j'ai le souvenir, tu vois, de phases avant le conseil qui sont étirées, tu sais, où on te montre des gens qui discutent entre eux, mais ça ne va nulle part pendant 20 minutes. Et à la fin, boum, tu comprends pas comment ça s'est passé, tu vois. Et ça, c'était... Je pense que c'est pas qu'il n'y a pas de stratégie, c'est que la stratégie est pas mise en avant dans le programme et dans le montage. Ouais. En nous l'avant, enfin tu vois, faut faire du teasing sur la stratégie, faut faire des trucs qui nous tombent dessus, on comprend rien, mais non, en fait après on te l'explique. On l'a sur les derniers épisodes. On l'a sur les derniers épisodes, mais on l'avait pas du tout au début. Et moi il y a un autre truc, c'est que je trouve que, et c'est sûrement du coup l'effet qui m'a, enfin le truc qui m'a manqué, mais qui est la conséquence de toutes les causes qu'on vient de lister, c'est franchement au début on avait du mal à avoir des préférés. Dès le début on a dit ouais André il est trop cool et c'est vrai quand il était sur son radeau nanana. Et puis petit à petit il y avait trop de monde, donc en fait on a pas réussi à découvrir les gens et à s'attacher team à eux. Team Tugdual dans le cœur. Team Tugdual voilà. dans le cœur. Mais sauf que Tugdual, en vrai, on a toujours dit c'est un mec super cool. Et il est devenu. Voilà, il est. On l'a trouvé genre. On l'a trouvé touchant à ce moment-là, tu vois. Et vraiment, ça l'a rendu plus intéressant depuis le début. Mais finalement, donc on est rien de Tugdual, tu vois. On sait pas. Tu vois, moi j'aimerais limite avoir des trucs, mais tu sais, comme dans la télé japonaise ou coréenne, en mode, voilà, ça c'est son groupe sanguin, ça c'est sa couleur préférée. Alors, regardez, est-ce qu'il faudrait pas moins de candidats, alors? Bah moi je pense que si. Moi je dis, il y a trop de candidats dès le début, il faut qu'il y ait moins d'éliminations, en fait. Tu fais, au lieu de virer des gens, tu prends encore plus de confort, et franchement, tu élimines un mec toutes les deux semaines, enfin, j'en sais rien, ou toutes les semaines au lieu de tous les trois jours, et le reste du temps, les mecs ils bouffent alors que les autres bouffent pas, ou ils ont du steak alors que les autres ont du riz moisi, tu vois. Et je pense que ça serait bien mieux, parce qu'il y aura un côté... C'est-à-dire que tu peux pas, moi je trouve que ce qui est intéressant dans les stratégies, les trahisons, les éliminations, les combats, c'est de connaître les mecs, tu vois, c'est de dire putain, il a réussi à faire ça parce que machin machin. Franchement, c'est pour voir un Gugus qui a une tête d'un mec que j'ai jamais vu qui gagne ou qui perd, j'en ai rien à foutre, tu vois. Mais est-ce que le problème c'est que Koh-Lanta, il oublie un peu d'être une télé-réalité, tu vois. Et il se concentre juste sur le fait d'être un jeu. Oui. Et en se disant que oh, il faut être un jeu sinon il y aura pas de stratégie, c'est, et machin c'est truc. Ninja Warrior alors que non, dans... tu vois. Enfin, tu vois, c'est Total Wipeout aux îles Fidji, en fait. Si pour regarder des mecs qui courent sur des planches, franchement, j'en ai rien à foutre. Hein. Moi, c'est ça que je trouve un peu bête. Et encore dans Ninja Warrior, les mecs ils se présentent pendant 5 minutes en disant voilà, tu vois, on dirait les débuts de Next, tu sais, le mec il descend du bus, il dit, je m'appelle Bastien, j'ai 25 ans, j'ai déjà fait l'amour à l'arrière d'un camion et mon parfum de glace préféré c'est vanille et chocolat mélangé. Ouais, rock. Tu vois? Next. Mais oui, oublié ce programme. Mais non, mais c'est tu vois, c'est le genre de truc, enfin moi je voudrais savoir ça en fait, plutôt que d'avoir enfin tu vois des espèces de présentations complètement pourries. Enfin souvenez-vous la présentation la plus marrante, c'était l'autre qui faisait ses qui avait un prénom imprononçable et qui faisait des steaks dans son camion, tu vois. Et c'était juste drôle parce qu'il faisait des steaks dans son camion en mettant de la mayo partout, quoi. Donc, il y a un vrai problème. Ouais, c'est ça, c'est pas assez télé-réalité. On dirait des trucs de recherche appartement ou maison, quoi. Bon, alors, qu'est-ce que vous avez pensé du casting? Parce qu'il est important. Parce que l'année dernière, la saison précédente, oui, c'était quand même, avait un problème. C'était tout pourri. Cette année. Bah, ils ont casté Tiffany, donc il est réussi. Il y a eu Tiffany, Magali était cool, Tugdual était cool, même si on n'a pas vu grand chose. André, Marvin, André, et comment il s'appelait l'autre justement? Moi, Marvin, le, moi, Marvin. Vosgien, c'était cool. Leur groupe de trois était cool, leur groupe de trois était cool, grave. Après, moi, je, quand même, je veux dire. Fabien, incroyable, Fabien c'est une pépite. Fabien, incroyable. C'est une pépite à trouver. Fabien et Maxime, en vrai, Maxime, incroyable. Je pense que, ouais, il y a un psychologue dans l'émission qui a dit celui-là, faut que vous me le preniez. Moi je pense que c'est vraiment un casting ultra réussi. Le seul point noir c'est genre Romain qui est le mec, genre il est resté jusqu'à la fin, on savait rien de lui à part qu'il a, enfin la seule chose qu'il définissait c'est qu'il avait des enfants, c'est tout, ça s'arrête là. Enfin vraiment le mec n'avait rien quoi. Mais sinon non, bon casting, enfin j'espère qu'il est serial killer parce que sinon il y a un problème hein, franchement. Mélanie était cool. Bah elle était intéressante, même Selma elle était, ouais, moi, c'était elle était chiante quoi. À la fin elle a fait chier, mais on l'a quand même aimé les trois quarts de la saison où elle était c'est là vrai, quoi. c'est vrai. On connaissait pas son vrai visage. Ouais, mais elle était... Souvenez-vous, moi, je la détestais. Hein. Moi, dès le début, j'ai vu dans son jeu de Suisse. Elle était... Suissesse. Cette neutralité qui n'aime personne. Neutre, sauf dans le racisme. Ça, c'est bien vrai, ça. Je trouve qu'il y avait vraiment une bonne vibe dans cette saison. Vraiment quelque chose de positif. Tu vois, tandis que la saison précédente, c'était vraiment quelque chose de chiant et noir avec des engueulades tout le temps. Oui, oui, oui. Là, il y a eu très très peu d'engueulades, à part Sébastien qui a cassé les couilles pendant un certain nombre d'épisodes. Et encore, il a criait tout seul. Il a juste pleuré, quoi. Ouais, il a juste pleuré. Il faisait la victime en disant « Je te jure, dans tes yeux, j'ai vu !» Mais à part ça, il y avait toujours de la bonne humeur, il y avait toujours des sourires, et je trouve que ça fait quand même du bien d'avoir ça oui, c'est vrai, c'est à vrai. Côté, quoi. En tout cas, ça nous minait pas le moral de regarder un épisode, et c'est déjà pas mal, quoi. se rendre qu'il y avait l'autre taré qui secouait ses armes. Je ne... Non, c'est quoi qu'il disait? Ne me crie pas dessus! Ça, c'était pas possible, c'était quoi. Horrible, Kenny, c'était malsain. Qui était au bord, enfin. Je vous rappelle qu'il est là, qu'il est, à TF1, dans, Un Destin, Souvenir, je sais plus quoi, je sais plus la série qui passe à 19h, hein. Sur qui TF1. Yves? Ouais? Mais oui, vous souvenez pas que je vous vous avez lu la news, il y a quelques épisodes. Putain, mais oui. Les espèces de faux instants de vie, fakés, filmés comme si c'était des documentaires. Non, c'est une série qui passe sur TF1 à 19h. Ah, d'accord, ok. Et il est dedans, il joue un perso, même pas secondaire, tu vois, c'est... Est-ce qu'on... C'est une voix off au téléphone. N'en a fini. Est-ce que vous avez des choses à rajouter sur cette saison? Bah, c'était la meilleure saison de tous les temps. C'était trop bien. Malgré tous les points négatifs qu'on est capable de dénoncer aujourd'hui de manière totalement objective. C'est parce que Koh-Lanta, tu vois, c'est notre bébé, tu vois, donc on aimerait tellement qu'il... Franchement, moi, ce que j'ai vu cette année, c'est quand même, il y a eu du progrès, ils vont dans la bonne direction, et j'ai de l'espoir, tu vois. Vrai, c'est pour c'est ça que je pense aussi qu'on se permet toutes ces critiques, parce que, même dans les trucs qu'on foirait, j'ai compris pourquoi ils l'avaient fait, tu vois. Genre, comment ça s'appelait, là, l'île de paradis perdu, j'ai compris pourquoi ils faisaient ça, et je pense que, après, je suis un peu déçu que la prochaine saison, ça soit une All-Star, parce que peut-être qu'ils vont plus se reposer sur le côté, sportif. Les candidats sont forts, sportifs, nanana, ouais. Ben, moi, j'aimerais bien qu'ils fassent aussi des épreuves où ils confrontent vraiment les équipes, quoi. Ah oui, oui. Les actions d'une équipe ont une influence sur l'action de l'autre équipe. Airsoft. Bah écoute, pourquoi pas. Ça serait trop drôle. Paintball, ça serait vraiment trop trop stylé. D'avoir des activités qui sortent un peu de l'ordinaire, plutôt que d'avoir des trucs où ils se roulent dans la boue et tirent des cordes. Franchement, c'est ça, ouais. Franchement, ça serait vraiment sympa. Il me semble que la seule où ils ont vraiment une interaction en équipe, c'est quand ils tournent autour d'un truc avec une corde sur les épaules et qu'ils doivent atteindre l'autre équipe. Et l'autre interaction, c'est quand ils doivent casser la flèche quand ils sont dans les épreuves individuelles pour passer un moment avec les autres, avec leur famille. Il me semble que c'est les deux seules interactions entre les candidats sur les épreuves. C'est quand même parce que triste. Ça crée même pas de sentiments négatifs, en fait. Parce que, alors, tu vois, sur le fait qu'ils se connaissent pas, tout ça et tout, ça serait trop marrant qu'en fait il y ait des mecs qui soient juste dans deux équipes opposées. Finalement, ils ont jamais parlé et tout, mais juste ils se détestent parce que machin il a fait ci à l'autre. Oui, bah oui. Et ça crée des trucs intéressants effectivement, t'as raison. Moi, j'adorerais voir ça, quoi. Vraiment des épreuves, je sais pas, des trucs à la con, des trucs à l'interville avec du tir à la corde. Oui, des trucs comme ça, je sais pas, du tir à la corde et il faut que je sais pas, au milieu, il y a une flamme et plus tu tires vers toi, plus il y a des trucs à enflammer. Je sais pas, il y a probablement des trucs à faire. Je trouve ça un peu dommage. Bon, alors, si vous en avez terminé avec cette saison, je pense que nous, on peut déjà applaudir l'équipe de Koh-Lanta d'avoir mené à bien cette saison. C'était pas on facile, remercie, hein, vous savez. On remercie notre audience. Mais ce n'est pas fini. Il y a encore des questions de notre auditoire, notamment toujours le même. Notre gassure, merci mec. Notre gassure. Qu'est-ce qui est défaite? Qui est un peu en train de tacler Hugo Joss, attention. Hein. Ah oui, c'est vrai. Mince. Salut. Il Hugo. Nous a déjà posé une question dont on a répondu tout à l'heure. Il y en a une seconde qui était Maxime, savait-il pour qui il allait voter? C'était un peu une question troll, je pense, hein, de sa part. Tu veux dire avant d'aller à chaque conseil, est-ce que c'était de l'improvisation? Non, juste dernier conseil. Dans le sens où à chaque fois il changeait d'avis au dernier moment pour backstab et se dire ah non, cette fois-ci je fais les choses correctement. C'était une petite boutade. Mais d'ailleurs finalement il aurait pu voter Tiffany en fait parce que finalement il a été plus avec Tiffany qu'avec André, non? Puisqu'à un moment André était avec les rouges quand il était avec les jaunes. C'est l'effet de masse. Est-ce que dans la tête de Maxime c'est pas tu sais genre ouais, mais attends, peut-être que j'ai perdu en épreuve pour revenir, mais j'ai perdu contre le vainqueur, tu vois. Ah, j'avoue. Ou alors peut-être qu'il s'est dit, cette fois-ci, je vais honorer ma promesse et je vais voter comme Sébastien a dit. Et tu vois, Sébastien, tu peux pas me bouder maintenant. Parlant de Sébastien, Guillaume nous demande, est-ce que dans cet épisode final, on n'aurait pas aimé revoir la présentation de Sébastien? La réponse est non. Bah si, non. Moi, j'en veux plus, on en a trop. Oh non, j'en veux plus. Trop oh, je vois que des camions. Ah ouais, moi, c'est comme, tu sais, vous vous souvenez de, comment ça s'appelait? Qui veut épouser mon fils? Oh là là. Avec celui qui était devant le pompier, dans le camion de pompier. Mon fils, il a un cœur gros. ce soir, je prends ma plume. Incriminez-la toute fois. Oh là là là là là là là là. Mon fils, c'est je... plus beau. Oh, faut que je retrouve un extrait et qu'on le foute parce que c'était vraiment genre. Mon fils, il a un cœur gros comme ça. Merci, maman. Je vous présente mon fils Frédéric. C'est un garçon honnête, fidèle et sincère. Merci, maman. Il a un cœur gros comme ça et il aime sauver les gens. Mais à force de penser aux autres, il est toujours célibataire. Je prends ma plume pour une femme qui est pure comme ses larmes, pure comme son cœur, qui bat très fort. La dernière question, on va y arriver. Si, alors elle est un peu biaisée vu qu'on connaît le casting et on en a déjà parlé pour la saison suivante, mais si vous deviez n'en revoir qu'un, à part André, sur une émission All-Star, lequel vous choisiriez? Bah, tout le monde sait, non? Bah, après, Tiffany, moi, je vais un peu biaiser la question, parce qu'on sait que Tiffany, elle y est déjà. Ah, d'accord, donc on n'a pas le droit de répondre Tiffany, d'accord. Alors. Sinon, c'est Tiffany. Mais moi, j'aimerais bien, Fabien. Ah! Fabien, parce qu'il est un vrai personnage, et il a vraiment été à la source des stratégies et tout, et. Et toi, t'allais dire qui, du coup, Moi, je voudrais voir un Maxime en quête de rédemption. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Quand t'as, je me suis dit Fabien, puis t'as dit Fabien, et je me suis dit, ouais, c'est vrai. Et surtout, en fait, Maxime, ça doit être trop bien. T'imagines ce gars-là avec que des mecs qui ont la vraie hargne de gagner, tu vois, des mecs qui pardonnent pas, quoi. C'est trop bien, quoi. Dévoré par ses démons le matin, il y a des coups de poing dans le sable. Ça... Ah, pourquoi? Avec un troisième enfant en route, il part, il fait un gosse, juste avant de partir, et il se casse. Le mec malin, il évite la grossesse, quoi. Il évite la grossesse. Il le fait à chaque fois, ça se trouve. Mais moi, une des hypes que j'ai par rapport à la saison All-Star à venir, c'est que potentiellement, on va avoir une Clémentine en quête de rédemption, tu vois. Non. Et ça peut être intéressant, tu vois. Elle se dit, bon, il serait peut-être temps que les menaces de mort cessent. Arrête, j'avais complètement oublié son existence. Moi, je pense que j'aimerais la voir et qu'elle se fasse éliminer au premier épisode. Et vraiment, parce que en fait, elle changera jamais Clémentine, tu vois. Elle les regardera forcément avec sa tête de petite teigneuse pleine de seum, tu vois. Et ça me ferait plaisir de la voir encore. Effectivement. Je pense que ça peut être intéressant, en tout cas. Oui, en vrai, franchement, Clémentine, elle a des qualités d'aventurière de Koh-Lanta qui seront certaines, tu vois. Oui. Non, mais on se souvient d'elle, tu vois. Je veux dire, qu'est-ce que je me souviens de Alban ou. Putain! À part sa qualité ici. Il va être là. Oh là là là là, quelle horreur. Oh là, il va être là. Oh non, ça va être horrible. Bah, c'est la vie, hein. C'est la nouille. Ouais, mais tu vois, il y a deux types de nouilles. Le salarié de nouilles. Ah bah, il y a la nouille, il y a la Denis, donc ça, c'est de la haute qualité. C'est des ramen fait maison. Avec Et après, il y a les ramen de Lidl. Il y a les nouilles instantanées de Lidl, ouais, voilà. C'est les gens qui. Ils ont juste pris, tu sais, des spätzle ou un truc, des pâtes d'Alsaciens, et ils les ont juste étirées, tu sais. Ils ont droit, c'est pareil, c'est un peu de sauce tomate dedans, mec, mais juste la sauce, rien de la bolognaise, c'est juste le fond du salarié. Là. Est-ce qu'on va s'arrêter un jour? Bah écoute, ouais, il faut, hein. En tout cas, pour cet épisode, pour cette saison, ça me paraît quand même pas mal. On a fait le tour de la question. Boum! Putain, ça rime, c'est génial. C'est vrai, ça? Allez, on se réapplaudit. Bravo à tous pour cette saison de Koh-Lanta. Merci de nous avoir suivis. Un mot, messieurs. Un mot. Le dernier mot. Louis. Tiffany. Hey les mecs, j'ai découvert un truc de ouf. La résidence dans laquelle j'habite en ce moment s'appelle le Tiffany. Si ça c'est vraiment pas le destin. Bam. T'as mis 6 mois pour t'en rendre compte. Ah ouais, j'ai vu ça dans l'ascenseur tout à l'heure. Tu rigoles, un an et demi, mec. Un mot, Lucas. Koh-Lanta. Koh-Lanta. Koh-Lanta. Koh-Lanta, ouais. Bon, on met un tiré alors parce que. Et désolé aussi, désolé pour... Pour la tardive finale. Ouais, et puis vraiment à l'arrache, quoi, en mode « Ouais !» Il s'est passé ça. Moi, je dirais une des meilleures, si c'est pas la meilleure saison de Koh-Lanta. Ah, ça c'est vrai, ça aussi. Oui, complètement. Hein, qui fête sa deuxième saison, sa fin. Moi, je dirais que c'est une des deux meilleures. Une des deux meilleures. Ouais, au moins, franchement. Et moi, mes préférés, en tout cas, c'est la première et la deuxième. Ah, attention, Franck, il y a un petit happening. Ah oui, c'est vrai. On a fini en retard comme l'année dernière, donc avec Louis, on a décidé qu'on allait aussi chanter une chanson. Mais alors, on l'a fait maintenant, là ? Bah ouais, non. Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? T'inquiète pas, t'inquiète pas. Mais c'était déjà prévu ? Oui, c'était prévu. Ah bon ? Oui. Bah, je suis pas au courant de ça, moi. Mais si, on en a parlé plein de fois. Mais je m'en souviens jamais. Mais bon, sors ton bâton lumineux et tais-toi. Le glow stick. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Je ne comprends rien à ce qui se passe. Mais qu'est-ce qui est en train de se passer ? Mesdames et messieurs, je ne contrôle plus. Je ne contrôle plus cette émission. J'ai tout compris à ce que vous avez dit. On n'a rien compris du tout, c'était très bien, bravo messieurs. C'est ainsi que se termine cette deuxième saison de Krolanta. On espère vous retrouver pour la saison des All-Stars. On se retrouvera peut-être pour un ou deux hors-série d'ici là, notamment avec Maître Gims et Kenji Girac dans l'aventure Robinson, peut-être avec une autre équipe, qui sait, on verra, suivant les gens qui auront envie d'y participer. Ah non, mais je suis hype de ouf, j'ai envie de faire une rétrospective section d'assaut et Maître Gims en même temps, tu vois, en mode... Moi, je suis uniquement là, en tant que spécialiste... Maître Gims n'est pas du genre débrouillard. Quand il trouve un allume-feu, il pense qu'il s'agit d'une clé ou d'un totem d'immunité. Voilà ce que nous dit l'Express sur ce petit aperçu. Merci beaucoup Louis et Lucas pour cette chanson et pour toute cette saison. On vous fait d'énormes bisous. N'oubliez pas de nous suivre sur tous les réseaux sociaux. On les nomme plus, on en a marre. Bisous. Voilà. Gros bisous. Sous. Sous. C'est parti. C'est bon. Ça enregistre. Allez, on est bon. Bienvenue aux autres tamponneuses. 2 euros la partie, 6 euros les 3.